Leçon 18. 18e leçon. Les trois coups. Première partie. Monsieur le voisin a téléphoné. Monsieur le voisin a téléphoné il y a 5 minutes. Il nous invite tous à aller au théâtre ce soir. Il a réussi à se procurer des billets pour le français. On joue Le médecin malgré lui, de Molière. Il y a longtemps qu'il veut nous inviter à aller au théâtre. Il a fait la queue devant le théâtre pendant 1 heure. Pour louer des places pour la semaine prochaine. Quand il est arrivé au guichet, l'employé lui a dit sèchement « complet ». Mais quelqu'un est arrivé avec 6 billets. « Je ne peux pas aller au théâtre ce soir », a-t-il dit. Monsieur le voisin a immédiatement offert de les lui acheter.